Docteur Le Marchand, bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Lille et vous allez nous parler des Zycans. Bonjour, je suis le docteur Bruno Le Marchand. Je travaille dans l'unité de neurologie inflammatoire du CHU de Lille et nous allons aborder la question des complications neurologiques secondaires au traitement par carticelle, autrement appelé les Zycans. Nous n'aborderons pas, en revanche, à l'occasion de ce cours, la question du syndrome de relargage cytokinique. Première question est, quelle est la physiopathologie des Zycans et la fréquence de survenue de cette complication? Tout d'abord, pour commencer, quelques points de physiopathologie. Celle-ci reste à ce jour très mal comprise. L'hypothèse retenue comme étant celle la plus probable est celle d'un processus en plusieurs étapes, en étroite relation avec le syndrome de relargage cytokinique. Donc schématiquement, dans un premier temps, la cellule CAR T se dirige vers la tumeur et reconnaît l'antigène. Dans les suites, on constate une prolifération locale de la cellule CAR T associée à une sécrétion de cytokines à la fois par le CAR T, mais aussi par les cellules du micro-environnement, à savoir en particulier les macrophages locaux. Ces éléments vont ensuite proliférer dans le sang et c'est le début du syndrome de relargage cytokinique en raison d'une fuite capillaire et donc de défaillance d'organes. C'est vraisemblablement secondairement à une rupture de la barrière hémato-encéphalique et donc l'afflux de médiateurs pro-inflammatoires dans le système nerveux central que survient ce qu'on appelle l'ICANS pour Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome. Finalement, avec l'éradication des cellules tumorales et donc la baisse de la stimulation antigénique, on observe une baisse de la réponse inflammatoire et donc l'arrêt à la fois du syndrome de relargage cytokinique et consécutivement de l'ICANS. Plusieurs éléments vont dans le sens de cette hypothèse, notamment lors de l'ICANS, une augmentation de la quantité de protéines dans le LCR, mais aussi des lymphocytes CD8, CD4 et des carticelles. Il a été par ailleurs constaté une augmentation du niveau de cytokines pro-inflammatoires dans le LCR avec la gravité de l'ICANS. La perméabilité de la barrière hémato-encéphalique est quant à elle probablement aggravée par un phénomène d'activation des cellules endothéliales. Le syndrome neurologique en lui-même est provoqué vraisemblablement plus par l'accumulation de cytokines pro-inflammatoires au niveau du système nerveux central que par la cellule carticelle. Puisque finalement, une quantité relativement faible de carticelles était retrouvée sur les cas biopsiques. Malgré tout, certains auteurs ont pu formuler l'hypothèse d'un effet on-target off-tumeur, puisque le CD19 est en effet exprimé sur certains péricycles, ce qui expliquerait potentiellement une moindre fréquence des ICANS avec les carticelles anti-BCMA. Les ICANS surviennent dans environ 50% des cas suite à une injection de carticelle, mais ce pourcentage est très variable selon les études, allant de 20 à 70%. Dans environ 20% des cas, elles sont de grade 3 à 4 selon la classification que nous aborderons tout à l'heure. La fréquence des ICANS est en effet différente selon la cible antigénique, puisque carticelles anti-BCMA sont à l'origine de moins d'ICANS visé par rapport aux carticelles anti-CD19. Ces ICANS surviennent presque toujours après un syndrome de relargage cytokinique. Le plus souvent, ils surviennent quelques jours après, 3 à 10 jours après la réinjection du carticelle et 2 à 4 jours après le début du CRS. Dans l'immense majorité des cas, le début de l'ICANS survient dans les 15 premiers jours après la réinjection du carticelle. Plusieurs facteurs peuvent influencer le risque de développer un ICANS suite à l'injection du carticelle. Notamment, la fréquence des ICANS semble plus élevée chez les patients jeunes, chez les patients présentant une comorbidité neurologique préexistante, mais aussi on peut retrouver sur le plan biologique un état inflammatoire plus important à baseline, notamment suite à une élévation intense et précoce de la CRP, de la ferritine, des D-dimères ou de différentes cytokines pro-inflammatoires. Un CRS précoce et sévère, une masse tumorale élevée, sont aussi des facteurs de risque de développer un ICANS. Parmi les autres facteurs influençant le risque d'ICANS, on retrouvera l'intensité du conditionnement avant l'injection, mais aussi l'effet du type du carticelle avec une variabilité selon le domaine de costimulation, avec une tendance à une plus grande sévérité de l'icance avec des carticelles utilisant un domaine de costimulation par CD28 par rapport au 4-1BB. Une variabilité par ailleurs selon la cible antigénique et le domaine transmembranaire. Ainsi, une fréquence plus élevée d'icance a pu être observée dans certaines études, notamment la spécialité Yescarta par rapport à la spécialité Kymriah. En compilant plusieurs de ces facteurs de risque de développer un icance, Rubin et Hall dans JAMA Neurologie en 2020 ont pu établir un score allant de 0 à 14, permettant de prédire le risque de développement d'un icance dans le cadre de patients traités par un lymphome. Ce type d'outil pourrait éventuellement à l'avenir permettre à certains patients un retour plus rapide à leur domicile. Comment se manifeste un icance? Alors, les icances se manifestent de manière extrêmement hétérogène. Malgré tout, il faut souligner que les manifestations des toxicités neurologiques liées au carticelle sont quasi exclusivement d'origine neurologique centrale, même si de manière anecdotique, quelques cas d'atteinte périphérique, notamment sous la forme de paralysie faciale, ont pu être décrites. En premier lieu, on verra donc apparaître une confusion, une obnubilation, des troubles de vigilance, associés plus ou moins avec des céphalées. Les troubles cognitifs sont fréquents, avec souvent un syndrome dysexécutif, une aphasie qui va parfois jusqu'au mutisme, et classiquement décrite une agraphie. Des mouvements anormaux sont aussi classiquement décrits, avec en premier lieu un tremblement d'attitude, parfois un syndrome cérébelleux, des myoclonies ou un astérixis. Plus rarement peuvent être constatées des hallucinations visuelles et auditives et un déficit moteur sensitif et micorporel qui peut mimer un accident vasculaire cérébral. Les crises d'épilepsie sont, elles, relativement rares et il est toujours assez difficile de les attribuer directement à l'icance. Un syndrome parkinsonien sévère et d'apparition subaiguë a pu être décrit avec les carticelles dirigées contre le BCMA. Les descriptions sont encore rares, mais celles-ci semblent adopter un profil de toxicité différent des icances, puisque notamment le délai entre l'injection et le début des symptômes est souvent beaucoup plus important, parfois dépassant les 100 jours. S'y associe parfois un syndrome confusionnel et des troubles de vigilance, et dans ce contexte, la TEP ou FDG a potentiellement un intérêt sur le plan du diagnostic et du monitoring, avec la mise en évidence d'hypométabolisme cortico et des noyaux gris. Enfin, la survenue d'œdème cérébral de manière fulminante constitue une complication rare mais gravissime des carticelles, car presque systématiquement fatale. Cette complication était survenue chez 5 jeunes patients de moins de 30 ans de l'étude ROCKET, portant sur la leucémie aiguë lymphoblastique. Il faudra donc rester vigilant à tout éventuel signe d'hypertension intracrânienne chez les patients présentant un icance et éventuellement réaliser une ponction lombaire avec mesure de pression. Afin de monitorer les patients lors de leur hospitalisation, des échelles peuvent être utilisées telles que le score ICE, un score sur 10 points, 10 étant l'absence d'anomalie. Cette échelle peut être évaluée de manière rapide au lit du patient, est adaptée à tout patient de plus de 12 ans et évalue des éléments tels que l'orientation, la nomination, l'écriture, l'attention et la réponse aux ordres simples. La classification en grades allant de 1 à 4 des icances se fait selon la classification de l'ASTCT, qui va prendre en compte à la fois le score ICE, le niveau de conscience, la survenue de crises d'épilepsie, les anomalies motrices et la présence ou non d'une hypertension intracrânienne. Quelle est l'évolution d'un icance et y a-t-il des complications, notamment au long cours? L'évolution des icances est, dans l'immense majorité des cas, favorable, avec une réversibilité en 7 à 10 jours. De rares cas de décès clairement attribuables au carticelle ont été malgré tout décrits, surtout dans les cas d'œdème cérébral aigu. Au long cours, on a des données qui sont relativement peu abondantes, mais qui sont plutôt rassurantes, avec notamment deux études françaises publiées par Maillet et Hall et Urzu et Hall, démontrant des données rassurantes jusqu'à 2 ans chez les patients ayant bénéficié d'un traitement par CAR-T-cell, y compris certains patients ayant présenté un ICANS suite à l'injection. Quelle est la stratégie de prise en charge diagnostique? Un des grands enjeux lors de la survenue d'un ICANS est d'éliminer les éventuels diagnostics différentiels. En premier lieu, il faudra éliminer un trouble ionique ou métabolique, parfois responsable de troubles de la vigilance, de crises convulsives et de déficit moteur. Il faudra évidemment aussi éliminer une progression intracérébrale d'un lymphome ou la toxicité d'un autre traitement, notamment antiépileptique comme le Keppra ou les benzodiazépines, ou d'un autre traitement antibiotique comme les C3G, en particulier la cefépime. Il est aussi intéressant de s'attarder au contenu de la chimiothérapie utilisée lors du conditionnement. L'endoxan est par exemple responsable de tableaux de Press syndrome. La fludarabine, quant à elle, est associée à des tableaux d'encéphalopathie, survenant dans les 20 à 250 jours suivant l'administration et souvent d'apparition subaiguë, plutôt lente et non corticosensible. Des difficultés supplémentaires peuvent être rencontrées dans le cadre d'un patient traité pour une néoplasie primitive du système nerveux central. Il peut être difficile dans ce contexte de discerner l'ICANS d'une progression ou d'une pseudo-progression, celle-ci étant liée à un phénomène inflammatoire transitoire au site tumoral. Ainsi, plus récemment, Majner et Hall dans Nature en 2022 ont introduit le terme de TIAN pour Tumor Inflammation Associated Neurotoxicity, qui sont de deux types. Le type 1 est lié à une augmentation transitoire de la pression intracrânienne secondaire à une obstruction ou à un œdème périlésionnel, et le deuxième est lié à une majoration du processus lésionnel au niveau du site tumoral, et dans ce cas-là, la plupart du temps, il se manifestera par l'augmentation d'un déficit préexistant. Sur le plan paraclinique, l'IRM cérébral tout d'abord est le plus souvent normal dans le cadre d'un ICANS. Sa réalisation sera surtout à viser d'éliminer un diagnostic différentiel. Quelques anomalies peuvent parfois être apportées avec des anomalies diffuses de la substance blanche strictement aspécifique, des tableaux de MERS, c'est-à-dire des œdèmes cytotoxiques transitoires du corps calleux, et rarement des phénomènes de micro-infarctus potentiellement secondaires à la dysfonction endothéliale. La ponction lombaire n'est pas forcément en pratique réalisée de manière systématique, souvent en lien avec les cytopénies préexistantes. Si elle est possible, elle trouve souvent une hyperprotéinorachie et parfois une légère pléiocytose. Le CAR-T-cell est souvent détecté dans le liquide céphalorachidien, mais il faut savoir qu'il est aussi détecté chez les patients ne présentant pas d'ICANS. Et enfin, comme évoqué plus tôt, il est intéressant dans ces contextes de faire une mesure de pression à l'ouverture afin de ne pas méconnaître une éventuelle hypertension intracrânienne. L'électroencéphalogramme trouve lui souvent un rythme anormal mais qui reste strictement aspécifique. Le plus souvent, on met en évidence des ralentissements diffus qui semblent bien corrélés avec la sévérité clinique et notamment des ondes périodiques. Ces anomalies sont parfois latéralisées et peuvent, dans ces cas-là, être associées à une clinique particulière focalisée, une hypoperfusion en IRM ou un hypométabolisme sur le TEP-TDM. Les crises sont rarement enregistrées. La TEP-TDM peut être intéressante puisqu'elle met en évidence donc un hypométabolisme cortical. Elle peut être intéressant à la fois pour le diagnostic mais aussi le monitoring, ce qui va rendre plus compliqué sa réalisation et son accessibilité. Enfin, l'utilisation du Doppler transcrânien pourrait être intéressante puisqu'elle a déjà montré l'apparition d'une hausse de vélocité du flux artériel chez les patients présentant un ICANS en cas de déficit focal. Elle pourrait par ailleurs constituer un facteur de risque de survenue d'un ICANS chez les patients juste après l'injection. Enfin, quelle est la stratégie de prise en charge thérapeutique ? Concernant la prise en charge thérapeutique, tout d'abord, en cas d'ICANS de grade 1, l'attitude est le plus souvent d'une abstention thérapeutique. À partir du grade 2, le plus souvent des corticoïdes sont proposés. Malgré tout, il faut savoir que la preuve concrète de leur efficacité est difficile à déterminer, étant donné l'évolution naturelle de l'ICANS vers la résolution. Le plus souvent, le traitement s'admet sous la forme de dexaméthasone à 10 mg en intraveineux tous les 6 à 12 heures, suivi d'une décroissance après 2 à 5 jours en fonction de l'évolution. À noter que certains auteurs alertent sur le risque d'une potentielle récurrence de l'ICANS en cas de décroissance trop rapide. Une des questions actuelles est celle de l'impact de la corticothérapie sur l'efficacité du traitement par CAR-T-cell. Il y a peu de réponses actuellement dans la littérature, avec des données plutôt rassurantes, mais certaines études ont aussi pu montrer un impact négatif sur la survie. Concernant les autres traitements immunosuppresseurs potentiellement envisagés, tout d'abord, il faut noter que le tocilizumab anti-IL-6 récepteur n'a pas d'effet dans l'ICANS. Il a même potentiellement été décrit des aggravations paradoxales sous ce traitement, vraisemblablement du fait de l'absence de passage à travers la barrière hémato-encéphalique du tocilizumab. Le tocilizumab serait en revanche à l'origine d'une augmentation de l'IL-6 circulante qui, elle, pourra passer la barrière hémato-encéphalique rendue perméable et à l'origine de l'aggravation des symptômes. Ainsi, le tocilizumab est indiqué dans le traitement du syndrome de relargage cytokinique, mais en l'absence de ce syndrome, il n'a aucune place dans l'ICANS. D'autres molécules ont été rapportées comme ayant une potentielle action bénéfique. C'est le cas par exemple du siltuximab, qui est lui directement dirigé contre l'IL-6, ou encore de l'anti-IL-1 à l'anakinra, une molécule d'ores et déjà utilisée dans le syndrome d'activation macrophagique, qui est une entité comprenant quelques points communs avec la physiopathologie de l'ICANS. Ces deux dernières molécules ont déjà été utilisées dans quelques séries rétrospectives uniquement. À ce jour, il n'y a aucun consensus pour la gestion des antiépileptiques chez les patients traités par CAR-T-cell. Ceux-ci sont facilement mis en place en cas de survenue de mouvements anormaux de type myoclonie ou clonie, même si l'origine est vraisemblablement non épileptique. Il faut avoir en tête que de nombreux antiépileptiques ont très souvent une iatrogénie importante, en particulier un traitement tel que le Keppra chez les patients déjà au préalablement cérébrolésés. En cas de doute clinique sur une crise d'épilepsie, la mise en route d'un monitoring EEG se discutera. Merci beaucoup pour votre participation au podcast Ligne de mire.